Barberie. India Pale Ale, Stout Impérial, cuivré ou thé, Brasse Canaraga. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Télésino. Ah oui, ça va très bien moi ce soir Bruno. Et toi? Oui, c'est ça. Camerio, non? Je l'agace là, ce cher Bruno parce qu'il ne veut pas parler. Donc, bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre émission de prog préférée. Prog pour progressif, évidemment. Ce soir, on a plusieurs nouveautés. On va d'ailleurs commencer avec une formation américaine, troisième essai, et puis de loin, leur meilleur. Le groupe s'appelle Sirius B. Et le titre du disque, c'est Whimsical Weather. Belle réussite. En tout cas, vous allez pouvoir constater qu'il y a quelques petites influences Genesis. Et mais bon, on le prend avec bonheur. Donc, on commence ce soir avec ça, puis on va voir d'autres nouveautés. Là, j'ai un groupe allemand au nom étrange, le Terre Azur, mais c'est très bon. On a plein de choses ce soir. Donc, deux bonnes heures de prog. Installez-vous confortablement et on commence avec Sirius B. De retour, c'est des choses qui arrivent, mais le disque de Sirius B a refusé tout simplement de partir. On comprend pas trop, c'est pas un disque gravé, c'est vraiment un disque officiel, donc c'est pas une bonne pub là, mais moi ça jouait chez nous, ça jouait dans la voiture, donc ça, normalement ça aurait dû jouer ici. C'est qu'on va continuer avec le groupe allemand dont je vous parlais, donc Terre Azur, à l'instant. continue our special storm alert coverage of Hurricane Katrina. It has made landfall. We're going to take you through some new video footage that we have. Centered 310 miles south-southeast of the mouth of the Mississippi. Here's a look at it on the satellite picture. Now, the tornado warning is in effect until 8:15 Central Daylight Time. That's 9:15 Louisville Time. This is not... Save yourself, leave your gun. Eh bien là, oui, là c'était Sirius B. Donc, on a fini, le coupable, on l'a trouvé, on va le dénoncer en onde. Le coupable, c'était le lecteur A qui est allergique au disque de Sirius B. Parce que le lecteur B, lui, l'a très bien lu, comme vous avez pu constater. Donc, Sirius B, Whimsical Wetter, et c'est une petite nouveauté américaine. De plus en plus d'ailleurs, les Américains, là, on reçoit des choses assez surprenantes. Et je pense que on peut dire maintenant que les États-Unis sont un pays sur lequel il faut compter maintenant. Donc, Sirius B, Whimsical Wetter. Et puis, ben, on avait finalement débuté avec Terre Azure. C'était la pièce Wetter Report. Et le disque, c'est Falling Asleep, formation allemande, premier essai. Et puis, ben, on a d'autres choses qui s'en viennent là, après la pause. On va avoir Sebastian Hardy. Le disque Blueprint, un disque qui est sorti après, je pense que ça faisait 35 ans que le groupe avait rien fait. Donc, Sebastian Hardy, un retour, puis un excellent retour. Le nouveau Overhead et bien d'autres choses.

watch me rise into the night to a dream that calls me. In dreams I hear so clear a music that enchants me. They're the magic I find and the rhyme and music in me. Have the power to alter the flow and currents of seas. Now watch me rise into the night as I dream. Now watch me rise. Thank you. it flies, just not to stand, while doubts fall in. Let's escape, stop the clock, has just, he's just, sucking your life. Thank you. Écoutez tous les dimanches à 21h La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Ce soir, au 89.1, à 22h, c'est l'émission consacrée au néo-progressif avec Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamarre dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est l'Autoroute, émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. CKRL tiendra une activité de financement importante pour la station lors de la soirée de la fête nationale le samedi 23 juin à 20h. En partenariat avec les grands événements de la Ville de Québec, CKRL a le mandat pour une deuxième année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables et nous souhaitons votre participation pour l'occasion. Comment participer? Inscrivez-vous sans plus tarder à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Le samedi 23 juin, on marche et on recycle collectivement. J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière, la CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 503e avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien vous pouvez aussi la savourer au bal du Lézard ou au bar Le Sacrilège. De toute façon, la CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi. CKRL 89.1. À Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pourquoi La Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. Wow. En vente chez tous les bons marchands. De retour. Donc, on va jeter un petit coup d'œil dans la dernière demi-heure. En tout dernier lieu, si vous trouviez que ça sonnait un petit peu Porcupine Tree, ben, on est tous d'accord. On peut dire que M. Wilson n'a pas fini de faire des petits. Donc, cette fois-ci, ça nous vient de Pologne. Le disque, ben en fait, c'est un musicien qui travaille sous le nom d'un groupe. Le groupe, c'est Ordinary Brainwash. Ça, c'est le nom du groupe officiel. Le lavage de cerveau ordinaire. Je ne sais pas s'il y avait eu le super spécial, mais là, en tout cas, là, c'est l'ordinaire. Et c'est M. Raphaël Zach qui est en arrière de ce projet. Le disque a pour titre MI2.0. Et c'est ça, ça nous vient de Pologne, c'est à peu près dans les mêmes eaux, là, un peu tout le long. Là. On sent qu'il a écouté un petit peu de Porcupine Tree et de M. Wilson, ça c'est clair, je pense qu'il ne doit pas s'en cacher non plus. Et avant, on avait Quasar Lux Symphonia, ça c'est leur tout premier disque qui n'avait jamais été édité, de Dead Dream. C'était la pièce ouverture, puis on sent que ça date un peu là, quand même. C'est pas récent. Là. Quand j'ai le premier disque, on faut remonter là, les années 80, là, puis même je me demande si ça n'a pas été commencé en 77-78. Donc, ça a pris du temps. Moi, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est finalement. On peut dire réédité en CD, mais ça n'a jamais été disponible avant. On revient aux États-Unis. Je vous disais tantôt que les États-Unis sont de plus en plus présents. De Psychedelic Ensemble, The Dream of the Magic Jongleur, en français. Je pense que le mot est utilisé. Là. D'ailleurs, il y a plusieurs mots de même qu'on retrouve. Des fois, on est surpris. La semaine dernière, j'écoutais une série britannique qui utilise le terme « cul-de-sac » au lieu de « dead end street », comme les Américains. C'est « cul-de-sac ». là, une petite anecdote de même en passant. Donc, de psychédélique ensemble. Et ben, on avait commencé avec Sebastian Hardy. On en remonte à loin, là. On est assez remonté, là. Je pense qu'on va continuer avant de descendre. Donc, on continue en musique avec cette fois-ci une petite exclusivité. C'est un extrait de Terra Incognita Archive Volume 2. C'est des disques qu'on prépare pour à chaque fois, depuis 2 ans, là, à chaque convention, on arrive avec un disque qui est monté avec des pièces que les artistes nous remettent, des pièces d'archives, ou des, ça peut être en concert, des maquettes, ou enfin. Donc, c'est cette année, ben, on a eu de Terra Incognita Archive Volume 2. On a eu des dons là, de Galahad, The Watch, Mars Hollow. Donc, ben, on va écouter une pièce de The Watch. Ça a été enregistré en 2003, d'où le titre Archive, là, parce que bon, c'est ça, l'idée d'aller chercher des choses qui n'étaient pas disponibles. Donc, enregistré pendant une tournée européenne en 2003, The Watch, c'était à l'époque Vacuum. Et puis, ben, en parlant de The Watch, je pense qu'on devrait être en mesure de confirmer bientôt là, la prochaine tournée qui aurait lieu en novembre 2012. On vous reviendra avec les dates. Là. Ça achoppe sur quelques petits détails, mais ça devrait, d'après moi, se régler assez rapidement. Donc, on y va avec The Watch. C'est notre dernière heure, ben, en fait. Il nous reste une heure. Faut être positif. C'est pas la bouteille à moitié pleine, c'est la bouteille à moitié vide. Non, François me regarde. Non, je le sais, je l'ai inversé, non, mais l'idée, c'est qu'il faut rester positif. Donc, on y va avec The Watch.

vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée, c'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Ne manquez pas les 14, 15 et 16 juin, les journées portes ouvertes au service de traiteurs Plaisir et Arômes. Venez découvrir les nouveautés et faire la dégustation sur place de nos produits raffinés et profitez-en pour visiter la boutique. Avec tout achat de plus de 50 $ avant taxes, recevez une remise de 5 $ de rabais. Plaisir et Arômes, service de traiteurs et plats cuisinés. 13 052 boulevard Henri Bourassa, Québec. 88 621 0549. Plaisiretarômes.com. CKRL tiendra une activité de financement importante pour la station lors de la soirée de la fête nationale le samedi 23 juin à 20h. En partenariat avec les grands événements de la Ville de Québec, CKRL a le mandat pour une deuxième année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables et nous souhaitons votre participation pour l'occasion. Comment participer? Inscrivez-vous sans plus tarder à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Le samedi 23 juin, on marche et on recycle collectivement. 89.1. I'm on a road again. I'm on a road again. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. I'm on a road again. I'm on a road again. 89.1. CKRL Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Lorsque je combats les envahisseurs de l'espace, j'aime bien boire une bonne bière de La Barberie. Et vous, quel est votre moment Barberie? Stout Impérial, la sangribière. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Et de retour. Bruno m'a joué un petit tour, là. Il a ouvert ça un peu plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on écoutait dans tantôt? Vous avez peut-être reconnu Astra, parce qu'on commence à en faire jouer pas mal. Un groupe de San Diego, de leur deuxième disque, Black Chord. Moi, je le trouve nettement supérieur au premier. Bon, c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi, en tout cas, je préfère. J'aime les deux, là, mais mettons que celui-ci, là, il vient me chercher. Et puis, ben, on avait commencé avec The Watch, un extrait du disque Terrain Cogita Archive Volume 2. C'était la pièce Heroes enregistrée lors d'une tournée en 2003 en Europe. Et puis, on retrouve aussi sur ce disque-là, il y a des pièces de Galahad et de Mars Hello, qui étaient d'ailleurs des nôtres, le groupe qui était des nôtres en mai. Le 19, et, c'était le 19 mai, je pense, non, oh, c'est ça, c'était le 20 mai. Au Centre d'art de la Chapelle, dans le cadre de la convention Terrain Cognita. Hey, on poursuit en musique, une nouveauté. Je sais pas, écoutez, moi j'adorais Overhead. Vous avez remarqué qu'il y avait un imparfait à mon verbe. J'étais un peu comme, je sais pas encore, il faut fort que je le réécoute, là, mais je dois dire qu'au premier abord, ce Of Sun and Moon, je le trouve un petit peu comme décevant. Et je trouve ça plate de dire ça de ce groupe-là, parce que j'ai toujours, moi en tout cas, contrairement à Marc qui a même pas aimé le dernier, là, mais moi, ça, le dernier, je l'adorais. Et puis là, ben, je me retrouve avec un disque que je me dis, je lui donne une chance, mais mon Dieu, je sens que ça va pencher malheureusement là, vers Une déception de cette année. S'il y a des belles surprises, ça n'en est pas une. Donc, Overhead of Sun and Moon. Je vous mets une pièce. Vous allez voir, il y a un petit côté. Ils ont pris une direction un peu plus tranchante et élevée. Et on retrouve même une pièce qui est quasiment... Ça frôle le disco. Là, c'est, oui, vous m'avez bien entendu. C'est malheureusement le cas. Donc, on y va avec Overhead of Sun and Moon. Seems we're lost in wanting in ways we can't see. In part, we are to blame for the consequences. It's the way of the world and its creatures lost in. The same dream I've seen since childhood. The closer you come, the further you have to run. We were not a world again. The dream Has gone at last. guide every step. Like sleeping lions that hide, jump for joy, the hours arrive. And if the lions he makes with each step give news of each of his hills, sharpened and hung, the blink of an eye and you're gone. Dream well for me. Three jumps the devil and then we found joy. Childish the man becomes learned the boy, and that's where he'll always be. By the high. I'm not afraid to Une formation que j'avais perdu un peu de vue, Garden Wall, un groupe italien qui, à ses débuts, là, s'inspirait pas mal de Van der Graaf, de Peter Hamill, et puis qui a évolué tranquillement vers quelque chose d'assez personnel, comme en tout cas on a pu entendre. C'est un extrait de leur dernier, le Assurdo, et c'est la pièce Butterfly Soul. Et on avait avant une formation britannique que je viens de découvrir avec un grand bonheur, Autumn Chorus. Un extrait de The Village to the Vale. Et puis on avait avant Terre Azur, cette formation allemande. Franchement, là, ça, c'est une de mes belles découvertes. Falling Asleep, c'est le titre de l'album et c'était aussi le titre de la pièce. Et puis, bon, on avait commencé avec Overhead of Sun and Moon, un disque dont je disais tantôt là, que ça va mériter là, quelques écoutes encore pour que je puisse me. Apporter comme un verdict final, mais mettons que la balance ne penche pas du bon côté de ce temps-ci. Donc, en tout cas, personnellement, après And We Are After All, We Are Not Here After All, là, c'était comme. Et la marche était haute, mais je pense qu'ils ont choisi de prendre une autre direction. Ben, de toute façon, ce groupe-là, il faut le dire, là, en partant, Overhead n'ont jamais fait un disque. Un à la suite de l'autre avec une suite logique. Donc, on peut pas se surprendre non plus. Donc, écoutez, c'était tout pour cette semaine. C'était Michel et Bruno. On vous souhaite, évidemment, une bonne fin de soirée sur les ondes de CKRL. Il y a Stéphane qui s'en vient dans quelques instants, là, si je peux finir de parler. Donc, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. C'était Terre Incognita avec Michel et Bruno. Bonne soirée. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial. La sangribière. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. La rousse forte aux fruits. Ce soir, au 89.1, à 22h, c'est l'émission consacrée au néo-progressif avec Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamarre dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est l'Autoroute, émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. CKRL tiendra une activité de financement importante pour la station lors de la soirée de la fête nationale le samedi 23 juin à 20h. En partenariat avec les grands événements de la Ville de Québec, CKRL a le mandat pour une deuxième année consécutive de faire le cueillette de matières recyclables et nous souhaitons votre participation pour l'occasion. Comment participer? Inscrivez-vous sans plus tarder à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Le samedi 23 juin, on marche et on recycle collectivement. Dépanneur unique, la Duchesse d'Aiguillon se démarque grâce à son histoire et son ambiance, mais surtout parce qu'elle offre la plus grande sélection de bières au centre-ville de Québec. La Duchesse d'Aiguillon nous invite à découvrir les nouveaux produits d'ici et d'ailleurs dans le cadre de la chronique bière à l'émission du matin de CKRL, Le Continental. L'ultime rendez-vous des amateurs de houblon. Dépanneur la Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon, coin Sainte-Marie. 88 647 2972. Visitez notre page Facebook. Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, soutenez CKRL financièrement. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat.